Je représente le futur qui devrait être présent, la prochaine génération qui attend patiemment pour reprendre le flambeau laissé par des dirigeants anciens. Ils ont pissé dessus, donc il est presque éteint. Parfois je perds espoir, je me dis qu'on arrive en retard, trop tard pour sauver l'humanité de tous ces actes barbares. Ici les ravages de la corruption font rage, les jeunes deviennent sauvages comme dans un stage de Tekken. Ça fout la haine et les pages de nos sages nous rappellent la perpétuelle division de la race humaine.